jour numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخذنا في درسنا الاخير dans notre dernier cours on a étudié ensemble plusieurs versets sur صفات الرحمة والمغفرة ان الله عز وجل الى l'attribut de la miséricorde c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, ou كذلك المغفرة, et le pardon, فمن أسمائه عز وجل الغفور, et كذلك d'autres versets في ما يتعلق بصفة الرضا والغضب والسخط والكراهية إلى آخره. Et on répète أن طريقة السلف c'est إثبات الصفات كما يليق بالله عز وجل. Donc on accepte ses attributs et on a la conviction, l'iman, أن الله عز وجل متصف بها. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves claires في القرآن الكريم. Et bien sûr, sans faire de تمثيل. قال رحمه الله أي الإمام ابن تيمية في المتن وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا فهذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله ليستدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة المجيء والإتيان. المجيء والإتيان أي تلفت de venir. وجاء ربك أي الله سبحانه وتعالى يفيندغا يوم القيامة والملائكة صفا صفا أو الملك صفا صفا في الآية. Donc نؤمن أن الله عز وجل له صفة الإتيان متصف إلى ses attributs الإتيان والمجيء. Et les preuves من القرآن les versets sont clairs. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى هل ينظرون هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان قوله عز وجل هل ينظرون سيمنص من الله سبحانه وتعالى pour les kuffars ceux qui n'ont pas cru قال ومعنى ينظرون ينتظرون يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد هل ينظرون أي هل ينتظرون est-ce qu'ils attendent إلا أن تأتيهم أن يأتيهم الله إلى آخره. قال إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قوله ذاته العلماء كثير منهم يفون سيت بريسيزيون. لماذا؟ لأن قوما من الضلال أنكروا هذه الصفات. وحرفوا هذه المعاني الجليلة أو الجلية. certains égarés, comme on va voir, بإذن الله عز وجل, يقولون قوله إلا أن يأتيهم الله, eux ils disent c'est أمر الله. c'est l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى qui viendra. ils ont déformé ces versets qui sont clairs à cause de leur passion, bien sûr, et les أنهم ils ont pensé que Si tu prétends que Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti, il viendra yawm al-qiyamah, c'est une ressemblance aux créatures. وهذا, on a étudié ensemble précédemment que c'était faux. فلهذا كثير من العلماء précise ذاته. On répète la phrase, le verset إلا أن يأتيهم الله قال شيخ الفوزان ذاته أي lui-même subhanahu wa ta'ala il viendra. Pourquoi les ulama ils font cette précision? لأن كما تقدم certains égarés ils déforment ils disent que c'est pas Allah سبحانه وتعالى lui-même qui viendra وهكذا في صفة النزول بعض العلماء يقول ينزل بذاته Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend lui-même. Certains disent que c'est l'ange qui descend, ou la miséricorde, ou les bienfaits, il a akhiré. Qala, rahimahullah, qawluhu wal malaika, ay wal malaikatu yaji'una fi dhulalin min al ghamam, wa qudhiya al amr, ay furiga min al amr alladhi huwa ihlakuhum. Na'am. Donc, al-shahid min al-aya, on retient de ce verset, an Allah subhanahu wa ta'ala, sayati يوم القيامة لماذا للفصل بين العباد الفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة أي pour juger chacun d'entre nous. قال وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد. Et c'est ça le شاهد. En Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, il viendra pour juger tous les serviteurs. قال أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité أن الملائكة ستأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي les anges viendront. وهكذا Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra بذاته أي lui-même pour juger les serviteurs. أو يأتي بعض آيات ربك. Est-ce qu'ils attendent que ce signe il arrive? C'est quoi ce signe qui est cité dans ce verset? طلوع الشمس من مغربها. Et on a détaillé ce point dans notre درس في رياض صالحين. قال وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. Ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils attendent de se retrouver yawm al-qiyama, après leur mort, quand Allah subhanahu wa ta'ala il viendra, il les jugera, ou ils attendent que ce jour il arrive, et que le soleil il se lève min al-maghrib, et que les portes du repentir, elles se referment. Est-ce qu'ils attendent hada? Hada, c'est mubab al-tahdid. Thumma, le verset suivant, qawluhu azza wa jal, wa ja'a rabbuk, قال الشيخ الفوزان بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده والملك أي جنس الملائكة صفا صفا منصوب على الحال أي مصطفين صفا بعد صفا أو بعد صف أي نعم فالشاهد وجاء ربك أي صفة المجيء فثابتة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا ستتخب اسم من صفات الأفعال سين صفة فعلية. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cette action quand il veut, subhanahu, comment il veut. Alors, on ignore le comment. Et là, chacun, هذا المجي والإتيان, c'est pas comme les créatures. لماذا لأن الله عز وجل ne ressemble pas aux créatures. فبقي لنا ماذا الاستسلام ونؤمن. Et on se prépare pour ce jour. قال وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة. Ce verset, et c'est le dernier de ce point, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, en fait, il n'y a pas, ou c'est pas cité dans ce verset l'attribut de Al-Ityan ou Al-Madi. Mais comme a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, عند قوله ونزل الملائكة تنزيلا قال إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب. Donc, c'est pas cité clairement cet attribut Aïdul Maji ou Aïdul Ityan dans ce verset. Lakin, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il l'a cité, li anna, fi hadha al-hal, dans cette situation, yawma tashaqqaqu as-sama bil ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila, yawm al-qiyama, quand le ciel il se fendra et les anges y descendront, fa Allah subhanahu wa ta'ala il viendra kadhalik. Tastafid hadha من الآيات الأخرى كشيخ الإسلام إلى الستة كما قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح قال وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيها الإشارة إلى ذلك لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. نعم الله سبحانه وتعالى viendra et le ciel se fondra. Et tout ça, walillahilhamd, on a des preuves claires. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله عز وجل. Donc, on retient de tous ces versets, أن الله سبحانه وتعالى il a ses attributs, المجيء والإتيان, أي أنه il viendra سبحانه وتعالى pour juger ses serviteurs. قال على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين العباد. فنؤمن بهذا كما يليق بالله. Et ça c'est la méthodologie de أهل السنة pour tous les attributs, sans faire ressembler à la créature. فالله سبحانه وتعالى il viendra. Le comment on l'ignore. قال ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره وهذا من تحريف آيات الله. Et ça c'est très très grave. تأملوا le verset. الله سبحانه وتعالى قال وجاء ربك. Le verset il est clair, en Allah subhanahu wa ta'ala il viendra yawm al-qiyama wa al-malaku saffan saffa, et les anges ils seront en rang. Ahlu at-tahrif wa al-bid'a wa al-dhalal, ils ont déformé le verset, ils ont dit wa ja'a amru rabbik. Pourquoi? Li'anna pour eux, si tu dis Allah il vient, fa fi al-haqiqa 'indahum tu le fais ressembler à la créature. Alors que le verset il est clair. والقرآن سأفصح الكلام. Tu trouveras pas plus clair, plus éloquent que le Coran al-Karim. فالله سبحانه وتعالى si il aurait voulu dire الأمر il aurait dit عز وجل. Il aurait dit وجاء أمر ربك. لكن قال عز وجل وجاء ربك. نحن نؤمن بالآية وتبقى على ظاهرها. C'est la voie des salaf. Et on dit الله سبحانه وتعالى له صفة المجيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر السواعق المرسلة: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعا مطلق ومقيد. Et هذا c'est très très important. إضاف أو مضاف أو مضافة نعم الإتيان والمجيء إلى الله. Le fait de dire que Allah سبحانه وتعالى il vient, c'est de deux sortes, deux catégories. إما مطلق إما مقيد. قال فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحوه ذلك قيد بذلك. نعم ونحو ذلك قيد بذلك. كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فتأمل ست اكزامبل. أما الحديث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إلى ست فمحقق مختصر السواعق نبه أنه لم يقف على حديث بهذا اللفظ. celui qui a حقق le livre مختصر السواعق il a précisé أنه il a pas trouvé de حديث بهذا اللفظ. وهكذا في التنبيهات السنية في الحاشية. فالله أعلم عن هذا الحديث. على كل حال le verset ولقد جئناهم بكتاب. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité al-maji, ji'nahum, on viendra. Lakin il a précisé bi-kitab. Ça montre an al-maji huna na'am, c'est l'il-kitab. Et dans le hadith que l'imam ibn al-Qayyim il a cité hatta ja'a Allah bir-rahma. Huna c'est précisé an Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec rahma. Donc tu comprendras par rapport au lafz an ar-rahma ou al-kitab ils viendront. Ça, c'est quand c'est bit-taqid. Lakin qala an-naw'u ath-thani al-ityan wal-maji al-mutlaq. Mathalan qawluhu wa ja'a rabbuk. C'est mutlaq. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité autre chose. Il a bien affirmé subhanahu wa ta'ala annahu il viendra. Fa hadha al-hal qala fa hadha la yakun illa maji'ahu subhanahu. Dans ce cas, on n'a pas le droit de déformer. Limadha dans l'autre hadith ou l'autre verset que l'imam Ibn al-Qayyim il a cité, on a dit al-kitab ou ar-rahma ou al-khayr, parce que c'est cité dans le nas, c'est cité dans le texte. Amma inventer, déformer expliquer avec ses passions pourquoi. L'insan, il pense que s'il dit qu'Allah il viendra, il fait ressembler à la créature, enfin, il cite autre chose. Ah, on n'a pas le droit. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فالله سبحانه وتعالى قال إلا أن يأتيهم الله donc on a cette conviction أن الله سبحانه وتعالى يبيندغى وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا انتهى هذا كلام جميل والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه إلى الديتاي قليلا أي في الرد على هؤلاء أي pour réfuter الأشاعرة المحرفة فقال رحمة الله عليه ثم نقول ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها صحيح si on se pose cette question c'est quoi qui empêche C'est quoi le mani'? C'est quoi le problème? Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé أنه il viendra. Pourquoi rejeter? Pourquoi essayer de déformer? Pourquoi ça pose un problème à هؤلاء? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. C'est toujours la même choubha qu'ils ont. Ils ont toujours le même problème, toujours la même ambiguïté. Si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il viendra, c'est une ressemblance à la créature. L'être humain, il vient. On dit, maintenant, Foulan, il va venir. Ou Foulan, il est venu. Ou un tel, il viendra. On me dit, si tu dis qu'Allah, il viendra, Yom Qiyamah, tu le fais ressembler à la créature. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقول هذا خطأ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. أي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا Et là, c'est un point important, l'être humain, ou les êtres humains, ou les créatures eux-mêmes, ils ne viennent pas de la même façon. قال الشيخ ابن عثيمين فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه لكنه ليس يمشي مرحا وإن شئت فقل إنه يمشي مرحا هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد التعب الشيخ ابن عثيمين لا سيتي si tu dis qu'un jeune il va venir. Un jeune qui est en pleine forme, en pleine santé, en bonne santé, il peut venir rapidement, en courant, etc. Est-ce que c'est la même chose que la venue d'un vieux? Peut-être qu'il marche avec une canne, qui a le dos courbé. Est-ce que c'est la même venue là? Hada, il viendra beaucoup plus rapidement que Hada, il ne vient pas de la même façon. قال شيخ العثيمين رحمه الله والإتيان يختلف من وجه آخر وهكذا les créatures Ils ne sont pas identiques dans leur venue dans un autre point. قال فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. Est-ce que, quand on dit مثلا, un tel va venir, est-ce que c'est la même chose quand on dit tel responsable, ou le roi, ou le président, il va venir? C'est pas la même chose. Le président, le roi, il est accompagné, les routes, elles sont bloquées. Il y a de la sécurité, il est surveillé. C'est pas comme un homme ordinaire qui vient seul. Donc, tu as un mal ou ces différences pour montrer pourquoi Cheikh Mouadhémin l'a cédé à ça, rahmatullah alayhi, tu n'as pas besoin de faire une comparaison. Comme a dit l'imam Noutaymi, rahimahullah, dans le Muqaddimah, « Wala yuqas bi khalqi, azza wa jal, fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghayri, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsihi. » Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, il nous a informé أنه يفيندغى فإل فيندغى Pourquoi faire ressembler à la créature قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك ونحوها قال الجواب يقول المعنى جاء أمر ربك وأتى أمر ربك لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه المحرفة Ils ont compris de ce verset من سورة النحل Le premier verset أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Ils ont compris أن ce qu'il viendra c'est l'amr. Pourquoi? Parce que dans ce verset قال عز وجل أتى أمر الله. أي l'ordre d'Allah il est venu. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية. أي ça c'est عند هؤلاء الضلال. الشيخ ابن عثيمين rapporte leur parole. Ils ont compris que à chaque fois que dans un texte Allah subhanahu wa ta'ala, il informe أنه il viendra, يأتي, ou sifat al-maji, c'est le même sens. Fa'indahum, tu dois le comprendre avec ce verset. Aït c'est l'amr, c'est son ordre. فقال شيخ العثيمين رحمه الله فيقال إن هذا الدليل الذي استدلت به هو دليل عليك وليس لك. فالحقيقة cet argument qu'ils ont cité c'est une preuve contre eux, pas pour eux. Et وهكذا أهل الانحراف والضلال والبدع, les égarés, quand ils prennent un argument, ils citent un argument du Coran et de la Sunna, en général c'est une preuve contre eux. لماذا لأن القرآن والسنة, c'est la vérité. Et eux, ils appellent à autre que la vérité. Voilà, chacun a le verset, il les contredira. Il met clairement, il met, ça demande une réflexion. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآية الأخرى فما الذي يمنعه أن يقول أمره فلما أراد الأمر عبر بالأمر ولما لم يريده لم يعبر به. صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a démontré هنا أن ce verset c'est une preuve contre eux. لماذا؟ لأن dans ce verset Allah سبحانه وتعالى il a cité l'amr, et que son ordre y viendra. فنحن on dit نعم, son ordre y viendra. Dans l'autre verset il n'a pas précisé l'ordre, ça montre que c'est lui-même qui viendra. Donc si tu prends les deux versets, tu acceptes les deux. C'est pour ça que les sunnah يقولون أن الله سبحانه وتعالى y viendra, et كذلك يقولون أتى أمر الله فلا تستعجلوه, أن son ordre y viendra. أين الإشكال؟ Pourquoi penser qu'il y a une contradiction? قال رحمه الله وهذا في الواقع دليل عليك لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بُيِّنَت بهذه الآية. صحيح أن les autres versets il n'y a pas d'ijmal. On n'a pas besoin de les expliquer avec un autre verset. لأن c'est des versets clairs. قال رحمه الله وفي بعضها التقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر. ثم pour conclure il a cité أن l'imam le Taymiyyah rahimahullah il a cité un verset, et si tu médites bien sur ce verset, c'est une réplique, une réfutation contre Haoula. Avec ce verset, tu peux pas prétendre que ce qu'il viendra, Yawm al-Qiyamah, c'est pas Allah, c'est l'ordre. Aïe, rejeter. Maji illahi subhanahu wa ta'ala. Qala qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم. Dans ce verset c'est pas possible de comprendre أن ce qui viendra c'est que l'ordre. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a cité plusieurs choses. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي les anges viendront. أو يأتي ربك الله سبحانه وتعالى lui-même viendra. أو يأتي بعض آيات ربك et des signes d'Allah سبحانه وتعالى كذلك viendront. Ça nous montre ces détails أن c'est Allah سبحانه وتعالى lui-même qui viendra. لماذا؟ لأن il a cité plusieurs choses différentes et il a cité que lui-même il viendra. عز وجل. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ قال فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح والأمر, لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده. نعم قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده, فهنا سي أوتر شوز, أي الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه. لماذا؟ لأن هذا الأمر الفتح سفيان الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. أي ça revient à la parole qu'on a lu ensemble de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. أي si l'amr أو plutôt si l'maji أو l'itian قيد بالشيء, par exemple dans ce verset فعسى الله أن يأتي بالفتح والأمر, فon dit que la chose qui vient c'est ce que Allah il a cité. مثلا هنا son ordre أو الفتح أي la victoire. Et si المجي أو الإتيان أضيف إلى الله, أي c'est Allah سبحانه وتعالى qui le fait et c'est pas précisé autre chose, فon dit que c'est Allah سبحانه وتعالى lui-même qui viendra. فهذا كلام جميل de الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه. ثم إلى cité الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجي والإتيان. Et qu'est-ce que tu retires de هذا؟ Si tu as cette conviction, cette croyance, et tu as compris ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala viendra يوم القيامة pour juger ses عباد. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده و تنزل الملائكة. نعم. Donc, on doit se préparer pour ce jour. الثمرة, c'est le خوف. هذا, ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit nous pousser à nous préparer. Est-ce qu'on a préparé ce jour? Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra. Les anges y viendront en rang. L'être humain, il ne pourra pas s'enfuir, il ne pourra pas se sauver, il ne pourra pas se cacher. Tout le monde sera jugé. Wahidan ba'da wahid. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chaque être humain. Ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jal. Hakada qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit se préparer pour ce jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra lui-même. Al-malik al-qahhar subhanahu, il jugera tout le monde. Est-ce que tu t'es préparé? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interrogera. Est-ce que tu l'as adoré? Est-ce que tu as fait salat? Il t'interrogera sur tel péché. Est-ce que tu as fait les commandements? Est-ce que tu t'es écarté des interdits? Fal-insan, al-haqiqa, ce genre de verset, c'est un rappel azim. Ça nous rappelle. Est-ce que je suis prêt? Si demain, un de nous, il devrait se présenter aux autorités pour rendre des comptes sur une chose, là, chacun d'entre eux, ça le ferait réfléchir et il se préparerait. Qu'est-ce qu'il doit répondre? Qu'est-ce qu'il doit dire? Il a akhiré. Enfin, yawm al-qiyama, celui qui nous jugera, c'est al-malik subhanah. C'est al-hakim, azza wa jal. C'est al-alim. Tu ne pourras pas mentir, tu ne pourras pas cacher. Abadan, ben nos propres membres y témoigneront. Et kadhalik, le registre que al-malaika, ils ont tout écrit, nos œuvres dans ce registre, kadhalik, il sera présent. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يرحمنا وأن يهدينا. نعم, فهذا ما يتعلق بصفة المجيء والإتيان. الخلاصة, donc on accepte bien sûr cet attribut et on y croit et on fait attention aux tahrifat de أهل البدع. On fait attention aux déformations. فالله سبحانه وتعالى il viendra lui-même. أما prétendre que c'est un ange qui viendra, هذا c'est باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. الله سبحانه وتعالى il a cité les anges, ثم il s'est cité lui-même. Et prétendre que c'est l'amr qui viendra, كذلك هذا si c'est pour rejeter l'attribut d'Allah عز وجل, c'est totalement faux. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a cité أنه il viendra lui-même et il a cité que certains signes y viendront. Et là chacun a ces signes, مثلا le fait que le soleil se lèvera à l'ouest avant la fin des temps et ça sera un des derniers signes de l'heure. فلا شك هذا c'est من امر الله, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonnera au soleil de se lever من المغرب. Donc pourquoi expliquer اتيان الرب هنا بالامر alors que c'est déjà cité dans le verset لمن تأمل. Et المجي والاتيان, donc c'est من الصفات الفعلية, اي Allah subhanahu wa ta'ala il le fera quand il veut. Et nous a informé أنه il viendra le jour du jugement يوم القيامة. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité ces deux versets pour montrer أن الله عز وجل له صفة الوجه. Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage. Wa laysa kamithlihi shay. Qala al-'allama Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbik. Hadhihi al-aya ja'at ba'da qawlihi ta'ala kullu man 'alayha fan. Yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ard sayadhhabun wa yamutun wa la yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim. Tout le monde mourra. Wa yabqa وجه ربك الحي الذي لا يموت. الله سبحانه وتعالى يموغبا et tout le monde mourra, ثم الله سبحانه وتعالى il ressuscitera العباد. قال فإن الرب سبحانه لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا, وهذا تقدم معنا ولله الحمد. قال ذو الجلال أي العظمة والكبرياء والإكرام, أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين, وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. نعم، هنا هذه الأوصاف أوصاف الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. La preuve de هذا c'est que ذو il est مرفوع. Ça serait une صفات du رب dans ce verset. Ça serait pas ذو, ça serait ذي. كما نبه أهل العلم. قال وقوله كل شيء هالك أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه منصوب على الاستثناء وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت أي هو عز وجل. المهم c'est que ces deux versets Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé أن له وجه سبحانه أنه إلى un visage. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية سين صفة ذاتية أي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها تساء الضابط كما تقدم معنا أي الله سبحانه وتعالى لا توجو ستتخبيه ولا ينفك عنه contrairement aux صفات فعليا أن الله سبحانه وتعالى يفعل cette action quand il veut مثلا الله سبحانه وتعالى يفيندرا يوم القيامة. Donc la venue, elle est bien précisée à un temps défini, à le jour du jugement. Amma le visage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours un visage, il l'aura toujours. C'est pas une action. C'est pour ça que les ulama, ils appellent ce genre d'attribut al-sifat al-dhatiyya. Al-dhatiyya. Aïe, on a al-wajh. Qala fa huwa wajhun ala haqiqatihi yaliqu bi jalalih. Et comme toujours, fi hadha al-bab, anna... On croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut, huna al-wajh, sans faire ressembler à la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu wajh, yaliqu bih, c'est son visage subhanahu. Tu n'as pas comparé avec le visage d'une créature. Limadha li'anna le visage de la créature, c'est pour une créature. Amma l'an, on parle du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie qui n'est pas semblable à la vie des créatures, فهكذا إلى un visage, un wajh qui ne ressemble pas au visage des créatures. قال ليس كمثله شيء. Il a cité cette partie du verset pour montrer أن الله سبحانه وتعالى ne ressemble pas aux créatures. قال لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على الحقيقة. وهنا المراد بمعطلة الصفات أي الأشاعرة المحرفة. C'est des mu'attila, en fait, la yu'minun anna Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage. C'est pour ça qu'il déforme. Fa'indahum qawluhu wa yabqa wajhu rabbik. On verra qu'ils ont une interprétation. Ils disent que c'est la récompense. Et tout le monde mourra sauf la récompense. Et la récompense, elle restera. نعم قال لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب كذلك يديز الذات فقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يديز ويبقى وجه ربك الله bien sûr كذلك يقولون un autre تفسير يبقى وجه ربك أي la récompense فعلى كل حال لا يثبتون الوجه dans tous les cas ils n'affirment pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage. Là, hum y rejette en déformant. قال لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أي الله lui-même أو الثواب la récompense أو الجهة أو pour eux c'est la direction الوجه أي الجهة. قال وهذه تأويلات باطلة من وجوه. Bien sûr, هذا c'est faux. وشيخ الفوزان حفظه الله il a cité plusieurs points pour réfuter هؤلاء. ونحن va lire directement من كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حتى on répète pas deux fois le كلام. وكلام شيخ ابن عثيمين il est un peu plus détaillé et ça revient à la même parole في الحقيقة que شيخ الفوزان. Ça ressemble. قال رحمه الله في شرحه هذا أي on lit من شرح الواسطية شرح شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا وقد فسر أهل التعطيل وجه الله بثوابه فقالوا المراد بالوجه في الآية الثواب كل شيء يفنى إلا ثواب الله. Donc Ils ont rejeté la tribu du visage et ils ont dit, en ces versets, le sens c'est quoi ? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ أَيْ la récompense. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود. Et ça c'est très très grave. Ils ont expliqué un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas créés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabb, c'est le créateur, et ses attributs, ils ne sont pas créés. Enfin, ils ont expliqué l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala par une créature. Ay al-thawab, la récompense. La récompense, elle est créée. Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, il a créé al-jannah, le paradis. C'est pour récompenser ses serviteurs. Et il n'y a aucun doute que le paradis, c'est une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. نختصر قال إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه وقوله مردود بما يلي نعم لأن الثواب ça peut exister, ça peut ne pas exister. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé الثواب et cette créature elle aurait pu ne pas exister. أي هذا قوله قابل للوجود ولعدمه. أما l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu un visage. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, il a toujours existé. Et il avait ses attributs, bien sûr. ثم il a cité quelques réfutations. عن هؤلاء قال أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ. Et هذا, c'est très très important. Et c'est valable pour toutes les preuves na'am qu'ils ont déformées. Les preuves qu'on a vues auparavant ou qu'on verra ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Annahu mukhalifun li zahir al-lafz. Est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala قال ويبقى ثواب ربك? Est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans le Coran, nous a informé que ce qui restera, c'est la récompense? Ou قال ويبقى وجه ربك? فالظاهر, le texte en apparence, c'est bien une information. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a un visage, on n'a pas le droit de déformer sans délil. أين الدليل عن هذا؟ لا aucune preuve. La seule chose qui les a poussés à هذا c'est soi-disant pour s'écarter du tamthil. Pourquoi l'être humain il a un visage. Donc si tu dis qu'Allah il a un visage, automatiquement tu le fais ressembler à la créature. Et هذا c'est faux. لماذا؟ لأن il y a d'autres créatures autres que l'être humain qui ont un visage. Maintenant les animaux ils ont un visage, ils ont une face. Est-ce que la face maintenant de tel animal c'est comme la face de l'être humain? Les créatures, entre elles ne sont pas identiques, elles n'ont pas le même visage. Vouloir faire croire aux gens que si tu dis qu'Allah il a un visage, tu le fais ressembler à l'être humain. Deuxième chose, et on a cité Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, il a toujours eu un visage alors que l'être humain il n'existait pas. Pourquoi penser que Allah il a le même visage que l'être humain alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existait? L'être humain il n'était pas encore créé. Donc ça c'est premièrement. On reste sur zahir al-aya. Et le verset en apparence, Allah subhanahu wa ta'ala قال يبقى وجه ربك. On dit qu'Allah il a un wajh. Thaniyan annahu mukhalif li ijma' as-salaf. فما من السلف احد قال ان المراد بالوجه الثواب. كذلك l'unanimité des salaf annahum ils n'ont pas interprété ce verset et le visage d'Allah par la récompense. Est-ce que ceux qui sont venus après, ils avaient plus de science que Ha'oula As-Salaf? Est-ce que As-Salaf, à leur époque, la vérité, elle n'était pas présente? Hatta qawmun min ad-dhullal, des siècles après, ils ont emmené la vérité. Tout ça, c'est très très grave. L'égarement de Ha'oula Al-Muharrifa, il est très très grave, Jama'a. C'est pour ça que on doit faire des efforts pour connaître leur égarement. لماذا لأن هذه التأويلات الباطلة والتحريفات elles sont très très propagées dans l'umma. Dans beaucoup de livres tu trouveras هذه التأويلات بل أئمة كبار ils ont interprété certains attributs à la طريقة الأشاعرة comme l'imam النووي comme الحافظ ابن حجر زلوا ils se sont trompés rahmatullah alayhi. C'est des grands imams لكن زلوا في هذا الباب. Enfin, tu dois faire des efforts pour apprendre ta aqida. Tu dois faire des efforts pour retenir ces réfutations qu'on cite et revenir aux paroles des imams de la sunna الثابتون في هذا الباب حتى بإذن الله عز وجل tu t'écartes de ces ambiguïtés. Et une chose qui t'aidera beaucoup, Akhil Karim, c'est tu as une règle de base. قوله عز وجل ليس كمثله شيء. Enfin, quand tu étudies هذا الباب, quand tu lis le Coran, quand tu récites un verset où il y a un attribut d'Allah عز وجل, إياك, de penser ou de faire une comparaison avec la créature. Vous avez remarqué que c'est toujours la même cause. Pourquoi ils déforment Haoula ou ils rejettent les attributs? Automatiquement, ils font du tamthil. Ils font ressembler à Allah à la créature. Thumma, ils pensent que le fait de dire qu'Allah il a cet attribut, c'est faux. Donc, ils déforment. قال ثالثا هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفة العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو الجلال والإكرام. Est-ce que tu peux qualifier la récompense de Dhul Jalali wal Ikram? Est-ce que tu dis la récompense d'Allah Dhul Jalali, la récompense Dhul Jalali wal Ikram? Ça se dit pas, hada. Donc ça nous montre bien que hadhihi al-awsaf, c'est des awsaf du wajh, c'est des caractéristiques du visage d'Allah subhanahu. قال رابعا نقول ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق أبدا ولا يمكن نعم قوله لا أحرقت سبحات وجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé أن حجابه النور حجابه النور أي il y a un voile de lumière لو كشفه si ce voile serait dévoilé لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. Et cette lumière, elle aurait tout brûlé. La ahraqat hijabu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat plutôt subuhat wajhihi man taha ilayhi basaru. Est-ce que tu peux qualifier la récompense avec ces sens qui sont cités dans ce hadith? Abadan. Ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, un vrai visage. Lakin est-ce que c'est un visage d'être humain? Ma'ad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, il ressemble pas à l'être humain. قال وبهذا عرفنا بطلان قولهم وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. كذلك on peut rajouter أن le premier point que Cheikh Fawzan il a cité حفظه الله قال منها on revient au شرح de Cheikh Fawzan أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. هذا الحديث في الحقيقة tu peux retirer un point très très important. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله وبوجه الله. والاستعاذة c'est une demande. فسي on interprète الوجه par الثواب. أعوذ بالله. Donc c'est une demande. Et الدعاء c'est العبادة. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. فسي on remplace ça d'un أعوذ بالله العظيم وبوجهه أي بثوابه. Donc, ça fait que l'insan, il va demander à hadha tawab. Et ça, c'est très, très grave. Al-isti'adha bil makhlouq, bien sûr, fi shay la yaqdir alayh, c'est min al-shirk. Donc, est-ce que, avec hadha al-hadith, tu peux comprendre anna al-wajh, c'est bima'na al-thawab? Ça nous montre anna al-wajh, c'est une sifa parmi les sifas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala dans l'autre hadith, a'oudhu bi kalimatillah. التامات من شر ما خلق فالاستعاذة بالصفة أما بمخلوق فلا يجوز أبدا أي de demander ces choses à une créature la récompense ou autre. كذلك بعضهم من هؤلاء الضلال ils ont interprété le وجه بالملك فقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. Ils ont expliqué par le mulk, أي le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا c'est باطل لأن قوله كل شيء هالك إلا وجهه. Si tu expliques par son mulk, et le mulk d'Allah c'est quoi? C'est les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il possède tout. فça donnerait كل شيء هالك إلا كل شيء. Est-ce que tu as déjà entendu une contradiction aussi claire? أي tout périra sauf tout. لماذا؟ On répète, كل شيء هالك. Et toutes les créatures, elles mourront. Et elles disparaîtront. ثم الله سبحانه وتعالى, il ressuscitera العباد. Parce que si on explique الوجه par son royaume et tout ce qu'Allah possède, ça veut dire que tout périra sauf tout. Ça nous montre anna al-murad bil wajh huna c'est wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah musta'an. Un autre tambih pour conclure. قد يقول قائل الشيخ ابن عثيمين لا سيدي هذا الإشكال في شرحه فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي tout périra sauf le visage d'Allah سبحانه وتعالى واحد peut se demander est-ce que tout va périr sauf le visage d'Allah سبحانه وتعالى فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت si on dit كل شيء هالك إلا وجهه أي الذات أي الله lui-même ففي الحقيقة ça ressemble à قول الأشاعرة qui ont déformé الوجه أي le sens et ils ont dit c'est الله lui-même أو c'est la récompense أو c'est son royaume المهم هنا المناسب c'est leur explication الذات أي الله lui-même si tu dis قال شيخ ابن عثيمين وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في المحظور si tu dis كل شيء هالك إلا الوجه أي tout périra sauf le visage d'Allah عز وجل فكذلك ça pose un problème لأن y a pas que le visage d'Allah qui va pas périr Allah lui-même عز وجل il mourra pas et كذلك ses attributs que ça soit ses mains que ça soit tous ses attributs عز وجل donc il y a un إشكال كل شيء هالك إلا وجهه في الحقيقة il y a un إشكال pour celui qui a un manque de réflexion et des faiblesses de compréhension wa illa fajr ibn uthaymin rahmatullah alayhi qala al jawab in aradta bi qawlik illa dhatahu ya'ni anna allah ta'ala yabqa huwa nafsuhu ma'a ithbat al wajh fa hadha sahih donc il n'y a aucun doute que celui qui dit kullu shay'in halikun illa wajha ay allah subhanahu wa ta'ala bien sûr il ne mourra pas et allah subhanahu wa ta'ala qui restera il a un visage fa huna ya aucun problème فتأملوا كل شيء هالك إلى وجهه أي الله سبحانه وتعالى أي الله إلى أن فيزار قال ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه أي الله سبحانه وتعالى يغستغى أي الله سبحانه وتعالى إلى أن فيزار قال وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول أما celui qui dit كل شيء هالك إلى وجهه أي en fait c'est Allah et il rejette l'attribut du visage فهذا c'est قول Al-Muharrifa al-Dullal. Ça, c'est la parole, l'explication des égarés. Donc, ce verset pose aucun problème. Kullu shay'in halikun illa wajha. Bien sûr, il y a d'autres preuves. An Allah subhanahu wa ta'ala, il meurt pas, il mourra pas. Abadan. Et tout périra, sauf le visage d'Allah, et sauf Allah qui a un visage. Subhanahu wa ta'ala. Hada ma yata'allaq bi hada ad-dars al-muhim. On résume. Donc, on a étudié plusieurs attributs aujourd'hui. La première partie, Al-Ityan ou Al-Maji, An Allah subhanahu wa ta'ala y viendra. Wahada, on a déjà résumé. Et la deuxième partie de notre dars, Ithbat Sifat Al-Wajh, An Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Et c'est une sifat dhatiya. Al-Imam Al-Taymiyya, rahimahullah, il a cité deux preuves, dans le Coran Al-Karim. Et on a lu kadhalik kalam ahli al-ilm, qui montre le fait d'expliquer le visage par Allah lui-même, ou par la récompense, ou par son royaume, ça c'est pas sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, fa nu'min anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a un wujh, et laïsa kamitlihi shay, Allah subhanahu wa ta'ala, il ressemble pas à ses créatures, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-thabat. Wa min ahsan, man radda shubuhat wa ta'wilat, المحرف الأشاعرة الإمام ابن القيم رحمه الله dans son livre السواعق المختصرة السواعق المرسلة نعم dans son livre السواعق المرسلة لكن كما يعلم البعض أن son livre السواعق المرسلة مفقود أو une partie elle a été perdue ils ont imprimé qu'une partie ils ont retrouvé des manuscrits qu'une partie à peu près la moitié ou un peu moins ou un peu plus مهم à peu près la moitié أما l'autre moitié elle est perdue jusqu'à aujourd'hui. لكن المختصر de الإمام الموصلي un de un imam qui est venu après l'imam al-Qayyim رحمه الله à son époque الصواعق المرسلة il est encore présent. Il existait encore, il n'était pas perdu. اختصره, il l'a résumé. Et alhamdoulillah, il a imprimé. Donc, il a résumé le livre complet. Fatastafid min. Il a répondu plusieurs points. Et inshallah, ça viendra dans d'autres livres. Lakin, c'est important de garder cette méthodologie at-tadarruj. Vous avez remarqué que dans ce livre, on cite plusieurs points pour réfuter, contrairement à ce qu'on avait fait via al-iqtisad fi al-i'tiqad. Enfin, si tu as compris ces points principaux, bi-idhnillahi azza wa jal, fi sharh al-tahawiyya, il a encore cité d'autres points en détail en plus, et fi muhtasar al-sawa'iq, fahuna, il a détaillé kathiran. Naktafi bihada, et on passe à notre deuxième dars, bi-idhnillah.